sortir de chez moi en début d'après-midi. Je dégustais mon coca et mon sandwich panini avec deux trois potos, ça charrie devant le ghetto. Quand soudain je vois au loin une beuh contre Nego. Direct lâche mon sandwich, m'approche vers la papiche. Pas timide, moi je m'en fous si elle me recale pas Merlich. Je vais lui mettre la disquette, si elle se la joue discrète, je lui donnerai mon MSN, c'est mieux sur internet. Ok. Salut toi, je t'ai jamais vu, t'es pas du coin. Nana, je suis du sud, j'suis en week-end chez mes cousins. Ah bon, ça veut dire que pendant deux jours on est voisins. Bah on peut dire ça comme ça, mais bon j'irai pas si loin. Je dois te dire franchement, depuis le moment que je t'ai aperçu, ah ouais, juste avec ta démarche, t'as illuminé la vue. J'suis flatté, arrête, tu vas finir par me faire rougir. Donne-moi ton numéro, je continuerai à te faire sourire. Toi et moi, ça se voit dans ce qu'on perçoit. Ce n'est pas que l'histoire d'une simple résoie. Non, non. On va former un bon coup, pas que tirer un bon coup. Toi et moi, ça se voit dans ce qu'on perçoit. Ce n'est pas que l'histoire d'une simple résoie. Non, non. Laisse-moi te faire kiffer, juste en trois couplets. Toujours sur le trottoir du Thier, car on l'est pas. Les lascars derrière, ouais, faut que de me traiter de canard. Zarma, je fais l'over, ça fait pas depuis tout à l'heure. J'décide de changer de secteur, moi et elle, on se barre ailleurs. Ce soir, c'est le grand jeu, je la fais sortir du 9-2. J'ferai pas le crevard, on mangera un grec à deux. Merde, je l'ai accosté sans même lui demander son nom. Il est jamais trop tard, même si j'aurais l'air un peu con. Excuse-moi, j'ai oublié comment tu t'appelles. Mon prénom, c'est Cassie, tu veux peut-être que je te l'épelle. Mais Cassie, enchanté, moi c'est Chroma. J't'avoue que je suis dingue de toi. Passe la nuit avec moi. Débile, arrête de croire que je suis une fille facile. Faut que tu me fasses la cour, qu'on passe des nuits au bout du fil. Ça va être dur vu que tu te bats après-demain. Je suis pas un magicien, mais bon, j'y mettrai du mien. Toi et moi, ça se voit dans ce qu'on perçoit. Ce n'est pas que l'histoire d'une simple résoie. Non, non. On va former un bon coup, pas que tirer un bon coup. Toi et moi, ça se voit dans ce qu'on perçoit. Ce n'est pas que l'histoire d'une simple résoie. Non, non. Laisse-moi te faire kiffer, juste en trois coups. Alors j'suis là, pour toi encore une fois. Chante jusqu'à me casser la voix, comme Kaina en haut du toit. J'sais que j'dis même n'importe quoi. J'suis pas comme tous ces gars, j'n'ai pas que envie de toi. Tant pis si ça marche pas. Nique sa mère, vas-y c'est dans la poche. Ça y est c'est fait, avec elle j'ai conclu. C'est vrai que j'ai eu du mal, mes problèmes est résolu. J'en ai eu marre, j'ai dû la ramener à la gare. Elle me disait, je t'aime et tu vas manquer mon canard. T'inquiète, je pense la même, je vais juste perdre mon funtel. Pour éviter qu'elle marcelle de sa ville de Marseille. Boycott, bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Rebelote devant la tête pour attendre la prochaine proie.